artifices, pluie de lumière, verte fusée, rouge et violette, la nuit explose de mille couleurs. On se réjouit en cris joyeux. On se réjouit en cris joyeux.